Merci pour eux. Merci de votre attention. Êtes-vous nombreux ce soir? On vous voit à peine, tout au loin que vous êtes, au bord du donjon. Attention, attention. Je dédie la prochaine chanson à mon demi. Yeah. Je ne sens pas mes dents. Tu ne sens pas tes dents. Il ne sent pas ses dents. Nous ne sentons pas nos dents. Vous ne sentez pas vos dents. Ils ne sentent pas leurs dents. Je ne sens pas mes dents. Tu ne sens pas tes dents. Ils ne sentent pas ses dents. Nous ne sentons pas nos dents. Vous ne sentez pas vos dents. Ils ne sentent pas leurs dents. Merci également. Vous aidez Marcel ?